Les bogli pon, amana fidana am, ay sikh la won, nanak banana. Les bogli pon, hey ma le balen, ay sikh la won, nanak banana. Minana, minana, nana banana. Minana, minana, nana banana. Minana, minana, nana banana. Minana, minana, nana banana. Les voilà, les deux nanas, ce sont les sœurs bananas. Elles nagent les yeux fermés, tellement elles sont synchronisées. Banana.